运现身入目，此次殿命阿诺和阿诺师长心目与法子互配，阿诺的也互配， ce mot s'adresse à toute ma famille. Si le temps passe trop vite, si le thème est va vite, ce mot me percerait le cœur. La douleur est trop forte, à part des bidons de larmes. Qu'est-ce que ça m'apporte, le sentiment d'avoir flagué des bons moments en paquet, que ma vie je l'ai empaillé, je l'ai synonisé à bailler. Ce dernier mot serait le plus dur, le plus difficile à dire, un ouragan de regrets, culpabilité et souvenirs. Cette dernière phrase, c'est pour mes proches et loin des battements. Le mot le dernier est différent de celui qu'on attend. Trop de noix à citer, trop de poids à sauter, trop de punch à souper, mort dans un désert de poupées. Cool, c'est pour mes darons, mes cousins, mes cousines, mes soucis, mes outils, mes ennuis, mes envies. J'ai appris de mes erreurs contre votre jugement. Dernier mois avant le couvre-feu qui dure éternellement. Des regrets tellement, je souhaite clairement vous dire au revoir, trouver mon amour. Vraiment, innocent, trop tard, je ne suis plus. Famille, sos, ami, banni, frère au fond de la Tamise. C'est mon dernier mot, mon dernier souffle, ma dernière phrase, mon dernier couplet. Mon amour se résume dans ce verre et son contenu. L'air que j'avais à la vie est à tout jamais rompu. Mes potes, mes sos, les autres et les refrais que les remords vous massacrent. C'est mon amitié, ils avaient tout. Écoute, si t'es un pote, en vrai, tu tendras l'oreille. Mais si t'es un faux gars, voilà une mauvaise nouvelle. Moi je vous souhaite à tous de bâtir une vie, d'avoir une place, une femme, un garçon et une fille. Une fierté, mais sachez qu'il ne faut pas m'oublier. Telle est ma pensée, des sujets trop rompillés. Mon cœur je l'ai bousillé, mon amour on me l'a pillé. Je suis devenu aussi froid qu'une tonne de glace pilée. Je parle trop de moi, pas assez de vous, égoïste. Pince, mais une vraie source d'amour. Car si la frime et la dégaine se métamorphose en haine, ce sera moi la victime, moi celui qu'on va ken à tous mes frères. Mes potos, les vrais, je meurs digne, mes lâches, fiers, mes traîtres. Les regrets tellement, je souhaite clairement vous dire au revoir, prouver mon amour. Vraiment, nous sommes trop tard, je ne suis plus famille, sos, ami, banni, ou frère au fond de la famille. C'est mon dernier mot, mon dernier coup, ma dernière phrase, mon dernier souffle. Mon amour se résume dans ce verre et son contenu. L'air jamais à la vie et va tout jamais rompu. Ce tout dernier couplet s'adresse à mes ennemis, ceux qui m'envient au pourri, qui de ma mort vont sourire. Sachez que je meurs comme le plus digne adversaire. Insultez-moi sans relâche, mais laissez pair. Et merde, ce tout dernier couplet s'adresse à mes idoles, les rappeurs hors pair, pas les guignols, ceux qui me donnent envie de m'exprimer. Par un texte, j'aurais plus la larme à l'œil, mais c'est pas grave, j'encaisse. Ça s'adresse à tous les gens bien dont je n'ai pas eu l'occasion de serrer la main ou de dire salut. Ça s'adresse à tous les mecs qui m'ont volé la place, les noms méritants, les chacals, les rapaces. À la mif, à les cousins, les potes, les copains, les frères, les gens, les malheureux, les autres, hein. Non pas de testament, démerdez-vous pour tout ça. Mis à part mon talent, j'offre ça à mes braves. Oh, gros, tellement. Je souhaite clairement dire au revoir de mon amour. Vraiment, nous sommes trop tard. Je ne suis plus famille, sauf ami, pas ami. Faire au fond de la famille, c'est mon dernier mot, mon dernier souffle. Ma dernière phrase, mon dernier couplet. Mon amour sera d'une dans ce verre et son compil. La chambre à la vie est à tout jamais rompue.